même pas voir rouge avec du magma dans la face. Aujourd'hui je fais le sort comme un bagnard en cavale. Pourtant c'était moi ce petit brave gars en cartable, biberonné aux adages en bas âge. Ma gestation est arrivée à terme sans que je n'arrive à taire cet alphabet impétueux. La langue pendue sous le regard vitreux de la grande pendule, dont je ne cherche plus l'horloger sous les clochers, ni loger dans la ferveur d'un moine auto-immolé. D'ailleurs je limogé les prophètes d'un par un, comme désemparés par leur paradoxe. Car il y a toujours deux ascensions possibles dans une parabole, et je caracole en tête du néant. Béant, géant, dément, chaque foulée qui est une foulure, une coulure de mon ignorance, une coupure sanguinolente, une courbure d'insuffisance, ventripotente, un cas pour pitance, une tripotée d'évidence délirante, entrée en moi comme des sédiments. J'erre dans une alu complexe, dans l'abstraction la plus complète, où le réel a perdu toute substance, toute présence et toute sensation. Je me sustente seulement de ces représentations, après l'avoir disséqué, digéré, différé, ces créations de l'esprit, mais comment m'en libérer? Mais quelle pomme a pu me tenter pour que je devienne un déchu patenté? Comme K1, je continue d'arpenter cette ère de désolation dans une fuite sans but, là où prime l'adoration pour celui qui préfère l'holocauste à la libation. Mais je ne juge pas qu'on ne croit pas en la libre action, vu que l'action est elle-même une réaction. L'histoire est un carcan de corrélation, telle une opération en cours de calcul, un enchaînement de cause à effet, où ce qui est la résultante de ce qui a été. N'est que pure mécanique implacable, face à laquelle nous sommes incapables. Vu qu'elle nous régit jusqu'au bout des ongles, et ce dans tous les angles, même sous les ombres, la notion de choix n'est qu'un jeu de l'esprit. Du moins, c'est ce que j'estime malgré tout. Ce qui nous est permis, notre histoire, notre contexte, notre constitution nous détermine. On s'imagine tout un champ de possibles, mais il n'arrivera rien d'autre que ce qui doit se produire. Le cerveau n'est rien de plus qu'un amas de matière, sujet comme toute chose à tant de paramètres. Alors pourquoi se bat-on contre l'inévitable si ce n'est parce qu'on ne le choisit pas ?